dimanche après-midi. Avec ménage, moi, mais dans la main, notre apôtre mène. La non rivière au bord de mer, tu veux mes poches, me dis coquillage. Pour nous chiffres, quatre des belles villages. La non fatiguée, la lentille côté bon à déméter. La non vie d'amour, du côté bon à dégager, nous pour mon bawer. Dimanche après-midi, ma veste ménage me met dans la main, notre promenade. L'année arrivée au bord de mer, il veut mes poches, mes petits coquillages. Pour nous chiffres, à des belles villages. L'année fatiguée, la menti côté, bon à déprimer. L'année envie d'amour, si côté, bon à dégager. Oui, ça qui te pirette là, mes amis. Comme il vit dans yeux moi mes amis. L'homme comprend la caresse. Calvaire ou de l'île a laissé. Moi mais l'homme qui veillait tout mon pas. Moi ouais limité. Mais ma n'y est qu'on fin dévogué. Moi d'un rouille on fait qui désolé. Ouais les amis. Moi pas pour l'autre ou pas manger. Ma belle les amis.

chez Gatan, bien tourné. Papa Poulouka, égal voir Jean-Marie. Mon deuil avait été là. Papa Poulouka, il n'est pas fait ou pas. Pour ou pas, mais fait ou pas. Papa Poulouka, c'est le voir Jean-Marie. Il n'est pas été là. Je sais voir Jean-Marie.